Bonjour, bienvenue dans ce 11e numéro de Podcast Science, en compagnie de Mathieu toujours. Salut Mathieu. Bonjour professeur Fon. En compagnie d'Antoine également. Bonjour tout le monde. Bonjour Vous allez Antoine. bien? Ouais, ça va très bien, ouais. Ouais, vous avez le soleil? Oh, là, c'est plutôt de la pluie, hein. Plutôt de la pluie du côté de Montpellier. C'est assez tristouné ces derniers temps. Mais On est bon. tous à la même enseigne alors et à Non, ici il Barcelone. fait beau. Il fait un petit peu plus frais, là on sent que l'automne s'installe, mais bon. Il fait toujours beau ici de toute manière, donc ça sert à rien de poser la question, quoi. Ah, on pourra peut-être faire un petit podcast science numéro 12 en direct de Barcelone à Ouais, l'occasion. ce serait bien. Ouais. Ah oui, ça me plairait beaucoup. Ce serait pas mal. Ouais. À manger des tapas en parlant de science, quoi de mieux? Ouais, sauf du poulpe. J'ai plus envie de manger de poulpe. Mmh. Ok, les amis. Ben, on avait lancé un petit sondage la semaine dernière quant à la durée de l'émission. On avait des dissensions internes. C'est tout juste si on n'a pas eu une scission avec nous-mêmes. Moi, j'aurais une Du scission coup. entre jeune et vieux, hein. Je précise. Ouais, Parce que. exactement. C'est le clash De de la pyramide génération. des Des âges. générations, ouais, c'est ça. Clash des générations. Bah voilà, les chiffres ont parlé, le public a décidé et ont donné raison aux jeunes. Ah. Sales jeunes. Ouais, Donc on a eu 28 votes en tout, dont 10 pour maintenir la constante, le statu quo. D'ailleurs, il y a un biais cognitif là-dessus, mais je le biais du statu quo. Donc 10 personnes voulaient maintenir 30 minutes, 12 se sont prononcées pour 45, 5 personnes pour 60 minutes et même une personne pour 90 ou 90 minutes. Ce qui fait que l'une dans l'autre, si on fait la moyenne de tout ça, on arrive à une durée moyenne souhaitée de 43,93 minutes. Et bah, l'une dans l'autre, 18 personnes, donc 64%, ont voté pour 45 minutes ou plus. Je crois que le verdict est sans appel. Peut-être que de temps à autre, si on n'est pas trop inspiré, on fera un numéro un peu abrégé pour les 30% qui tenaient quand même à la constante de 30 minutes. Mais sinon, bah, je crois que voilà, quoi, on est parti pour une nouvelle constante qui tiendra ce qu'elle tiendra. De 45 minutes, alors bravo aux jeunes. Ouais, bien content, bien content. Ouais, bah écoute, bravo, t'as milité, voilà, la vieillesse s'incline. Voilà. Donc, les gens qui ont participé au sondage participaient également, s'ils le souhaitaient, à un concours qui leur permettait de gagner un des deux livres qu'on avait mis en jeu la semaine dernière. Donc, on a 10 personnes qui ont participé au concours. Qu'on a numéroté de 1 à 10 dans notre wave, et on va peut-être. On va les tirer au sort. Ouais, je crois. Qui c'est qui Allez. lance le tirage au sort? On va sur random.org. Là, j'ai la page de random.org sous les yeux. Alors, c'est toi qui vas faire ça. Vas-y, vas-y. Alors, je lance le générateur. Ouais, Allez, donc hop. entre 1 et 10. Le 8. Le 8, ah ben ça me fait plaisir, c'est une amie Non. à moi. Ouais, Ah. Christine Muller, le 8. Ah. Alors, Félicitations, hein, Christine. félicitations, Ouais, Christine, ah, ouais. félicitations, Christine. Bon, en ce qui concerne, on avait dit que tu pourrais choisir la langue, le format, tout ça, mais elle n'est pas très tech, Christine. Je pense pas qu'elle le voudra en version Kindle ou en version livre audio, donc ça va être en version papier. Donc il faudra simplement que tu nous dises ta préférence entre les deux livres. Bon, je pense que je vais t'envoyer un petit mail, Christine. On va régler ça entre nous. Alors, dans l'émission de la semaine prochaine, bah, on annoncera ce que Christine a choisi. Puis Christine, peut-être que tu pourras venir nous en parler une fois que tu l'auras lu. Qui sait? On Très vous tient au bien. courant, dans tous les cas. Bah, félicitations à Christine. Moi, je suis content. En fait, j'ai participé, mais je pouvais pas gagner le livre, moi, non. C'est pas Ah, comme tu ça. n'avais pas le droit, non. Conflit d'intérêt, Non, oui. Conflit d'intérêt. ouais, rien à faire. Bah, c'est sympa, en tout cas, c'est quelque chose qu'on va refaire dès qu'on trouvera une occasion. Sinon, pour enchaîner, alors moi j'avais un petit feedback à faire à Jenny Parker qui a profité de sa participation au concours pour nous laisser un message, des encouragements. Elle nous a proposé un sujet qui sera certainement pour toi, Mathieu. Elle nous a demandé de parler des 20 constantes fondamentales en physique. Ouais, j'ai vu. Ça va pas être facile, mais bon, on va voir. On va essayer de monter ça, Attends, c'est un quoi. travail totalement dédié à toi, hein, Mathieu. Là, c'est Ouais, vraiment ça, on sur sait que tu mesure. peux. Ouais, mais faudra me Sur donner un coup de main là, parce que là, c'est se mesure. lancer sur un domaine quand même assez hard, hein. Mais bon, on verra. On va essayer de préparer quelque chose, ouais, bien sûr. Ouais. Alors moi, j'avais encore un petit truc à dire à Jenny Parker, donc qui déplore le manque de présence féminine du podcast. C'est vrai, elle a raison, on est trois bonhommes, ça manque de femmes. Qui dit qu'elle se proposerait bien, mais qu'elle n'est pas scientifique? Eh bien, Jenny Parker, j'ai une bonne nouvelle pour toi, nous ne sommes pas scientifiques non plus. Donc, si tu veux participer une fois à l'émission, c'est quand tu veux. Si tu as un sujet à amener, on serait enchanté de bénéficier, de profiter d'une présence féminine comme ça. Ce serait top. Sinon, Antoine, tu nous fais un petit point sur la peluchologie qu'on avait évoquée il y a 2 semaines, je crois. L'opération a bien avancé? Oui, alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, la peluchologie, c'est j'organise sur mon podcast, donc c'estpasfaux.tv, un espèce d'événement pour s'initier à la taxinomie, donc la classification des espèces avec la peluchologie. Et on mettra ça dans les liens de l'émission. Et ça avance, parce que j'en suis déjà à 12 peluchologues qui ont recensé leur spécimen. Donc ça va du Ursus magna oculus, l'Ursa palma sidus aigoneus. Donc si vous voulez tous les voir, si vous voulez tous les voir, allez sur la page et c'est vraiment super sympa. Et n'hésitez pas à participer. Il y a d'ailleurs une peluchologue en herbe qui s'appelle Gilda. Ah ouais, Alors, je connais, ouais. tu C'est ma connais un fille. peu Alan, ouais, voilà, qui nous a fait un formidable portrait d'un Peluchus animalus, Felinus, Ferocius, Tigrus, Decatus. Voilà. Ah ouais, bah c'est Hobbes. Formidable. Je le Voilà. connais. Donc, Hobbes. Donc, Un vieux tigre mal foutu. pareil qu'il s'est bien amusé et tout. Donc, c'était vraiment. Le message est bien passé en moi. Tu peux juste nous rappeler quand c'est qu'il y a cet événement autour des peluches là dans ta Ah, région? le congrès mondial de Ouais. peluchologie, alors ça se tiendra du 17 janvier au 12 février 2011. D'accord. Donc voilà. Et donc pour l'occasion, donc on a jusqu'au 26 novembre là maintenant pour présenter la collection C'est pas faux de peluchologie. Voilà. Jusqu'au 26 novembre, il faut pas trop traîner alors. Oui, il faut commencer à activer un peu, mais je pense que ça va aller, c'est cool. Là, il y a déjà une bonne petite collection, donc qui n'attend plus que des gens de Podcast Science pour l'étayer un petit peu. J'ai envie de faire une petite parenthèse parce que j'ai un gros doute qui me turlupine depuis pas mal de temps. Ça n'a pas directement à voir avec les peluches, mais est-ce qu'on dit taxinomie ou taxonomie? Alors, les deux termes sont acceptés, en fait, c'est Ah, pour ça. les deux termes sont acceptés. Moi, je Oui, disais oui. toujours taxonomie et j'entendais ou je disais taxinomie, donc je me demandais si. Oui, après m'être Je crois que tu as un petit enseigné, mais. problème avec ton micro. Ça grésille un petit Ouais, peu quand tu tu parles. grésilles, Antoine. Je grésille. Ouais, Ouais. tu parles. Attends. Unplug, replug. Ouais, C'est clac, bizarre. clac. Allô? Est-ce qu'on a toujours Antoine avec nous? Le Oui, suspense est à oui. son apogée. Ah voilà, Antoine, qui ne Voilà. grésille plus. C'est pas le même. T'as deux micros, toi, pour faire Hop le là. podcast. Voilà, ça devrait plus grésiller Voilà, maintenant. très Hein, bien. ça grésille plus, c'est parfait. Donc, C'est en fait, on bon. peut dire taxinomie et taxonomie. Oui, voilà, les deux termes D'accord. sont autant utilisés l'un que Ok. l'autre. Donc, mon doute est résolu. Très bien. Ouais. Puis ça Voilà. avait tout à voir avec les peluches. Oui, bien sûr, c'était totalement le sujet, hein, donc pas de problème. Ok, alors on va traiter quelques petites news avant d'attaquer les deux gros sujets. Donc c'est vous qui avez préparé des sujets cette semaine, Mathieu et Antoine. Ouais. Mais en attendant, peut-être un petit point sur l'actualité scientifique qui nous a marqué cette semaine. Donc moi, j'ai relevé la protéine qui protège du sida. Vous en avez sûrement entendu parler. Ça fait 30 ans qu'on cherche sans succès un vaccin contre ce virus qui mute plus vite que son ombre, et on n'y arrive pas, quoi. Le problème, comme je l'ai compris moi, c'est que comme dans la guerre contre les bactéries à coups d'antibiotiques toujours plus puissants, ben on lutte avec nos petits moyens d'humains contre bien plus fort que nous, en fait, contre la sélection naturelle, quoi. Qu'on parle de bactéries dans le cas de résistance aux antibiotiques ou de virus dans le cas du sida, le constat est le même. Ces petites bêtes déploient des stratégies de survie complètement hallucinantes contre lesquelles on n'arrive juste pas à suivre. Donc la solution consiste en fait peut-être à utiliser les mêmes armes. Ça fait un moment que nos modèles de civilisation nous ont éloignés des mécanismes de la sélection naturelle, qui pourtant régissent depuis toujours la vie et la mort de tous les individus dans la nature, l'apparition de nouvelles espèces, la disparition de la plupart des espèces. Eh bien, cette sélection naturelle, elle est toujours à l'œuvre chez nous autres, les humains. Certaines personnes touchées par le virus du sida ne développent jamais la maladie. Et d'autres, une personne séropositive sur 300 environ, sont capables de contrôler le virus au point d'en empêcher la réplication, le rendant complètement inoffensif, voire indétectable. Ces populations, on les appelle des contrôleurs. Et à l'extrême, on connaît des cas de prostituées africaines qui n'ont jamais contracté le virus du sida, alors qu'elles ne prennent aucune précaution depuis 30 ans. Donc, il y a des formes de résistance naturelle chez certains êtres humains. Et si on était soumis à la sélection naturelle directement, telle qu'elle existe dans la nature, comme toutes les autres espèces, et comme nous y avons nous-mêmes été soumis jusqu'à très récemment dans notre histoire, finalement, bah, ce qui se passerait sans doute avec un virus aussi violent, c'est que tout le monde mourrait, sauf les quelques personnes qui disposent naturellement de cette résistance, qui survivraient, qui transmettraient la résistance à leurs enfants, qui petit à petit repeupleraient la Terre jusqu'à la menace suivante. Enfin bref, les chercheurs américains de l'université de Harvard, du MIT et de l'hôpital du Massachusetts ont cherché à comprendre ce phénomène et ils ont lancé en 2006 une étude intitulée Étude internationale des contrôleurs VIH, donc ces gens qui résistent. Et les génomes de 1000 contrôleurs ont été comparés minutieusement, l'un après l'autre, à ceux de 2600 personnes infectées chez qui le virus se multipliait ben, normalement. Et pendant 4 ans, patiemment, ils ont comparé toutes les séquences génétiques jusqu'à trouver le plus petit dénominateur commun. Et donc, d'après le papier de ces chercheurs dans la revue Science, ils ont rapidement isolé 300 sites qui se trouvaient tous sur le chromosome 6. Et en exploitant également les résultats d'une autre étude qui portait sur le chromosome 6 et le diabète, en l'occurrence, on a pu isoler le problème autour de la protéine HLA-B et des 5 acides aminés qui la constituent. Donc, cette protéine HLA-B, elle fait partie de notre équipement immunitaire. Pour ce que j'en ai compris, puis je simplifie à l'extrême, j'espère que les biologistes qui nous suivent me pardonneront, mais c'est une espèce de système d'alarme qui présente les dangers identifiés, en l'occurrence des fragments de virus, aux cellules immunitaires qui se chargent alors de détruire l'intrus. Et chez certains individus, ça marche mieux que chez d'autres. Donc on ne connaît pas encore les mécanismes précis, on ne sait pas pourquoi chez les contrôleurs, cette protéine fait parfaitement bien son boulot et pas chez les autres, mais les chercheurs ont maintenant un os solide à ronger, quoi. On sait dans quelle direction orienter les recherches précisément. Le vaccin n'est pas pour demain, mais il y a vraiment de quoi garder espoir. Ah bah dis donc. Donc Ah en oui, fait, il y a faudrait... une recherche Ah, en chien. petit grésillement, Antoine, dans ton micro. Ah, je l'enlève. Ouais, Antoine, t'enlèves ton micro. Hop, c'est bon? Voilà. Replug, ouais, c'est magnifique. Ouais, donc en fait, en essayant de potentialiser cette protéine dans les sujets qui n'arrivent pas à développer ces systèmes d'alarme, peut-être qu'on pourrait... On pourrait bah, les protéger du développement du virus, non? C'est un peu Bah ouais, l'idée dans ouais. laquelle vont C'est... partir les chercheurs. Bah, en tout cas, c'est une Exactement. bonne piste, ouais. C'est une bonne piste de recherche pour qui a déjà des résultats? Pas encore à ce stade. Pas Là, encore. les résultats viennent d'être publiés. Donc ça, c'est tout récent qu'on a découvert que cette protéine... On avait déjà des soupçons, en On avait déjà des fait. soupçons. D'après ce que j'ai pu lire, il y avait d'autres études qui avaient déjà conduit à cette protéine. Cette fois, c'est confirmé. On sait que c'est à elle qu'il faut s'attaquer. Bon, c'est une stratégie, hein. Ouais. Il y en a encore d'autres, bien sûr, mais c'est une stratégie prometteuse. D'accord. Voilà. Antoine, tu avais aussi quelque chose? Ah oui, alors moi je voulais parler alors de chercheurs canadiens qui ont réussi à transformer alors de la peau, des cellules de la peau en sang, en Ah ouais, cellules c'est du sang. super cette histoire. Ouais. C'est vraiment super. Donc ils ont réussi donc à reprogrammer des cellules donc de l'épiderme pour qu'elles produisent des globules rouges et des globules blancs. Et ça ouvre vraiment alors des tas d'applications comme par exemple une autotransfusion de sang, tout bête. Il suffirait d'un rectangle de 4 cm sur 3 pour pouvoir faire une transfusion qui ne souffrirait d'aucun problème de rejet, etc. Puisqu'on se transférait de notre propre organisme. Pas de rejet, pas de cellules immunitaires qui combattent les corps étrangers. Alors, ce serait totalement parfait. Mais c'est quand même encore en étude. Selon France Info, ce matin, il leur faudrait encore 10 à 15 ans pour voir de possibles des possibles applications. applications réelles du truc, Ouais, quoi. donc c'est pas pour demain. Bon, il faut avoir une bonne raison de se transfuser soi-même pour renoncer à 12 cm carrés de peau. 4 par 3, ça fait quand même 12 cm carrés. C'est quoi, la moitié d'une fesse? Et tu sais jusqu'à quelle profondeur de la peau faut... Je crois qu'il y a différentes couches dans la peau. Il y a l'épiderme, je ne sais plus comment on appelle, il y a différentes couches. Faut aller Oui. profond ou ça reste des couches superficielles sont suffisantes? D'après ce que j'ai lu sur le truc, il faut quand même des cellules qui soient vivantes. Donc il faut quand même aller assez profond parce que je crois que les premières couches de l'épiderme sont des cellules qui sont totalement mortes. D'accord, ouais. Donc il faut quand même Donc aller ça fait quand assez même une profond. bonne entaille, une bonne entaille dans le corps, pour enlever Oui. 3 cm sur 4. J'avoue, mais les transfusions de sang ne sont qu'une première application. On pourrait, par exemple, imaginer reprogrammer ces cellules pour qu'elles produisent d'autres organes. Voilà. Ouais, non mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire qu'on arrive à reprogrammer des cellules qui sont déjà spécialisées, qui sont déjà différenciées pour leur donner une autre spécialisation. Puis je crois que l'étude précisait que c'était sans repasser par l'étape de la cellule souche, quoi. Donc on n'est pas obligé de revenir à une cellule générique avant de la retransformer en une cellule avec une autre spécialité. Là, si ça marche, s'ils arrivent à industrialiser ce truc-là, c'est vrai que c'est très fort et c'est la porte ouverte à plein d'autres applications. Oui, en plus, ça balaye les problèmes d'éthique aussi de travailler sur des cellules souches qui sont normalement sur des embryons, d'où la frilosité des scientifiques. Et là, ça balayerait vraiment le problème. Et je trouvais ça vraiment super sympa. Ouais, Ouais, excellent. bonne nouvelle. Ouais, alors moi j'ai encore une Et. petite news qui est moins sympa. C'est qu'on a découvert que des stimulations électriques peuvent permettre d'apprendre les maths. Alors bon, il faut que je précise un peu, je ne peux pas balancer ça comme ça. Donc c'est une équipe de chercheurs en neurosciences de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne qui a étudié 15 volontaires, donc ce n'est pas une très grande étude, hein, mais 15 volontaires plutôt moyens en maths et qui leur ont demandé d'apprendre et de manipuler des nouveaux symboles permettant de calculer des nombres. Parce qu'évidemment, si on utilisait les symboles, les chiffres arabes qu'on utilise tous les jours, bah, ce serait un peu biaisé, quoi. Ils les connaissent déjà tous. Donc là, c'est un jeu de symboles qui ont été inventés pour la circonstance. Et les volontaires ont été divisés en trois groupes de 5 individus. Un groupe a reçu de légères stimulations électriques sur le lobe pariétal gauche, un deuxième groupe sur le lobe pariétal droit, et un troisième groupe a reçu un placebo. Alors évidemment, c'est des impulsions électriques extrêmement légères et à peine perceptibles. C'est juste un petit picotement, puis sans aucune intervention invasive, tout se passe à l'extérieur du crâne. Eh bien, les sujets qui ont reçu des stimulations électriques sur le lobe pariétal droit, qui avait déjà été identifié comme l'un des centres principaux de traitement des opérations mathématiques dans le cerveau, bah cette population-là a vu ses capacités mathématiques décuplées, a appris beaucoup plus rapidement que les autres à manipuler ces nouveaux symboles mathématiques, et l'effet de la stimulation était encore mesurable 6 mois après l'apprentissage. Voilà. Alors bon, petit conseil aux enfants, c'est pas la peine de mettre les doigts dans la prise pour apprendre vos livrets, c'est pas comme ça que ça marche. Mais en revanche, l'approche peut être très intéressante pour les personnes qui souffrent de dyscalculie sévère, les gens qui peuvent pas compter la monnaie au supermarché, par exemple, et qui sont vraiment handicapés dans leur vie de tous les Ils jours. iront avec un casque et avec plein de câbles au supermarché, ou bien. À Alors, je brancher suis sur sûr aussi. batterie. Si l'effet perdure pendant 6 mois, on peut imaginer qu'ils se rechargent pendant la nuit, ils ont le temps d'aller faire leurs courses. J'ai une question. On a vraiment isolé le fait que ça touchait que la bosse des maths. Ça. Ouais, on peut appeler ça comme ça, effectivement. Le lobe pariétal droit, qui se trouve plutôt sur le sommet du crâne, un peu à droite, c'est la fameuse bosse des maths, ouais. D'accord, ok. Ok. Franchement, ça c'est quand même plein d'espoir. Ouais, bon, ça reste quand même très complexe, le cerveau. Oui. Moi, ouais, je veux pas trop Ouais, ça m'emballer reste là-dessus non extrêmement plus, quoi, parce complexe. Et que... puis finalement, c'est 5 personnes qui ont réagi Ouais. positivement à ce truc-là. Donc là, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment à prendre avec des baguettes, quoi. Avec des baguettes, mais... Mais bon, c'est vrai qu'en tout cas dans les neurosciences, on voit de plus en plus qu'on arrive à découvrir des zones du cerveau qui ont des fonctionnalités très, très précises. Et ben, ça apporte tout plein de nouvelles. On arrive beaucoup mieux à comprendre comment fonctionne le cerveau. Et c'est vrai que dans ce sens-là, on voit de plus en plus de recherches, d'études qui parlent que telle zone du cerveau est spécialisée pour telle fonction. Et ça avance, mine de rien, ça avance. Ouais. Mathieu, tu nous as préparé un dossier dont tu as le secret. Oui, bon, on reste un peu en relation avec le corps humain aujourd'hui. On va pas partir dans les étoiles. Non, mais c'est un petit peu un sujet polémique. Ah. Parce qu'il semblerait que le 20% du génome humain serait breveté. Donc, bon, moi, je n'avais pas du tout conscience de ça. Et je suis tombé sur un article par hasard sur Singularity Hub, un article écrit par Drew Halley. Et dans cet article, en fait, ça c'est intéressant parce que l'auteur nous rappelle en premier lieu la législation actuelle qui est appliquée à la génétique. Et d'autre part, il a un entretien avec l'auteur d'un ouvrage sur les brevets génétiques qui s'appelle David Cospel. Et en fait, ce David Cospel, il a écrit un livre qui, en anglais, s'appelle Who Owns You? Donc, à qui tu appartiens? The Corporate Gold Rush to Patent Your Genes. Donc, la ruée vers l'or des brevets génétiques. Et en fait, dans ce livre, livre que je n'ai pas lu, hein, je vous avise tout de suite, mais justement dans cet article, c'est assez bien expliqué. L'auteur, il explore un peu les ramifications, donc justement légales, éthiques et cliniques du brevetage du génome humain. Et à partir de ce livre, il y a un réalisateur qui a créé un documentaire qui devrait sortir tout prochainement, en tout cas dans les festivals de ciné documentaire. C'était prévu pour cet automne, mais j'ai pas tellement plus d'informations. Et là, on voit, on mettra sur le site de Podcast Science, il y a un trailer qui annonce le documentaire. Donc bon, c'est un trailer bien à l'américaine, avec les phrases choc et tout. Mais bon, ça, c'est en tout cas le mérite de poser une question, je pense, qui est assez importante, dont j'avais pas vraiment conscience. Parce qu'en fait, on apprend que selon le Bureau des brevets aux États-Unis, durant les 30 dernières années, 3 millions de brevets sur des gènes ont été demandés. Donc c'est pas mal, hein. Et 3 millions, ah alors, ouais. bon, on parle pas seulement de... Il y a eu des brevets sur des plantes transgéniques, comme du maïs transgénique, tout ça. Mais de ces 3 millions, on en a accordé 40 000 sur des gènes humains. Quand même. Donc, vu qu'il y a plus de 200 000 gènes dans le corps humain, on arrive plus ou moins qu'en fait le génome humain serait breveté à 20%. Donc, évidemment, il y a tout plein de critiques qui surgissent à partir de là. Parce que du moment qu'une compagnie peut breveter une partie du génome ou un certain nombre de gènes ou des séquences ADN, bah, cette compagnie, elle reçoit d'une certaine manière un monopole légal sur une molécule qui réside dans chaque être humain et dans beaucoup d'animaux. Donc les critiques disent que finalement les brevets étouffent la recherche sur les maladies génétiques et maintiennent les niveaux des traitements hors du marché. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, on accorde un brevet lorsqu'il y a eu une invention. Alors il faut savoir si un gène, a priori, c'est pas une invention, c'est une découverte. Ouais, enfin c'est effectivement, c'est là. Ouais, c'est là, donc on a découvert un gène nouveau, mais est-ce qu'on considère ça comme une invention ou pas? Ben, on va le voir un petit peu là, parce que justement, ça peut prêter un peu à confusion selon les cas. Donc on voit par exemple qu'en 1998, une société qui s'appelle Myriad aux États-Unis a breveté tout un certain nombre de gènes d'une famille qui s'appelle BRCA. Et en fait, on a découvert que la mutation de ces gènes augmente la probabilité d'avoir un cancer du sein ou des ovaires chez la femme. Et ces brevets qu'a déposé cette société Myriad donnent en fait à cette société la propriété des droits sur les tests et diagnostics de ces mutations. Ouais, j'avais entendu parler de cette histoire. Et du coup, c'est aussi eux qui fixent les prix. Alors justement, les diagnostics, ils sont vendus 3 000 $ l'unité. Ouais, c'est ça. Donc, sympa. Et donc là, il y a tout un certain nombre de questions qu'on peut se poser sur pourquoi les gènes sont-ils brevetables? Parce que, en fait, on voit que plusieurs constituants de notre corps ont déjà été brevetés depuis déjà une centaine d'années. L'adrénaline, par exemple, a été brevetée en 1906. L'insuline a été brevetée en 1923. Donc il faut qu'on paye des royalties. D'ailleurs, pour l'adrénaline, c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils emploient le mot épinéphrine plutôt qu'adrénaline, parce que le mot adrénaline est breveté, c'est un Il est enfin, réservé. il est réservé déjà. Ouais. C'est pour Voilà. ça qu'aux États-Unis, on dit épinéphrine. Non, ça, J'avais pas fait le rapprochement, mais non, ok. je savais pas qu'on disait comme ça en anglais. Bah en fait, l'argument qui est mis en avant pour ces brevets génétiques est qu'en fait, les formes isolées et purifiées des molécules présentes donc naturellement dans notre corps, possèdent plus de valeur médicale que les formes naturelles de ces molécules qui circulent dans notre sang. Donc si on arrive à isoler une de ces molécules d'ADN et d'une certaine manière de la purifier, d'enlever toutes les poussières, eh ben, légalement, on peut déposer un brevet là-dessus, parce qu'on a d'une certaine manière ajouté une valeur supplémentaire à la médecine, d'accord, au travers de cette molécule. Ouais. Donc, on constate que les brevets sur les gènes ont pris en fait leur envol dans les années 80. Et tout ça, c'est parti à la base parce qu'un ingénieur de la société General Electric travaillait sur une bactérie capable de décomposer le pétrole brut. Donc il a justement un peu purifié cette bactérie d'une certaine manière et il a déposé un brevet sur cette bactérie aux États-Unis. Et bon, suite à ce dépôt de brevet, il y a eu un procès parce qu'il y a des gens qui se sont opposés à cette procédure. Donc il y a eu un procès qui est arrivé jusqu'à la Cour suprême américaine qui a statué le 16 juin 1980 en faveur de General Electric. Parce que, en fait, ils disent que cette bactérie est d'une certaine manière créée par un homme et constituerait une invention. Donc c'est ce qui a donné lieu au premier brevet sur un organisme vivant aux États-Unis. Donc, le brevet sur un gène humain serait donc possible si l'auteur du brevet a pu isoler et purifier la séquence génétique, ce qui constituerait justement une invention, même si l'ADN est identique à celui qu'on trouve dans la nature. D'accord ? Mmh. Alors, on voit d'un côté, on a les partisans des brevets génétiques, donc toutes les compagnies biotech, les pharma, les labos de recherche, et tous les avocats qui vont avec. Eux, ils argumentent que la protection obtenue grâce aux brevets est essentielle pour attirer des investissements, d'une part, et accélérer les progrès dans la recherche génétique. Bon, ce qui n'est pas tout faux. Mais évidemment, on peut toujours trouver des contre-exemples, donc je vais en donner un. On voit par exemple récemment qu'on a réussi grâce à des fonds publics à développer un vaccin prometteur contre le cancer du sein qui a coûté entre guillemets seulement 1,5 million de dollars. Alors que la société Myriad gagne 300 millions de dollars par année grâce aux brevets qu'ils ont déposés et qu'ils n'ont même pas utilisé une petite partie de ces gains pour la recherche et le développement d'un vaccin et de bons médicaments. Ils se sont mis juste à recueillir l'argent gagné par les tests des diagnostics brevetés. Donc là, on voit un cas concret où finalement c'est un frein, le brevet est un frein au progrès dans la recherche. Bon, ouais. C'est pas toujours comme ça non plus, hein, mais bon, là on a un cas de figure. D'un autre côté, on voit d'autres tendances aussi apparaître, donc beaucoup plus ouvertes. Par exemple, il y a une organisation qui s'appelle BioBricks. Je sais pas, Antoine, une fois on avait un peu parlé de biohacking, je sais pas si tu as ouais. parlé de BioBricks. Donc c'est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif en fait de créer une sorte de dépôt, de librairie accessible dans le domaine public, une librairie qui contiendrait des séquences ADN vraiment fondamentales qui godent des fonctions biologiques basiques. D'accord ? Et à partir de ces petites briques, de ces petites séquences d'ADN, les ingénieurs pourraient, d'une certaine manière, les assembler entre elles, un peu à la manière des Lego, pour obtenir un produit final qui pourrait être breveté, lui, le produit final, mais pas les briques initiales. Donc on laisse ouvert la possibilité aux ingénieurs de jouer avec ces différentes briques et d'essayer d'obtenir des séquences ADN plus évoluées, avec des fonctions plus avancées. Et le résultat final peut être breveté, mais pas les briques initiales, d'accord ? Alors bon, là, ça pose aussi tous les problèmes des dérives qu'on peut obtenir si tout le monde commence à manipuler des petites séquences ADN dans tous les sens et les coupler ensemble et tout ça. C'est un autre débat, on pourra faire une fois un sujet sur le biohacking, ça c'est intéressant. Ah oui, c'est totalement passionnant le sujet, ça. Et bon, par contre, si on revient à cette histoire de brevet sur le génome humain, on voit quand même qu'actuellement, par exemple, le gouvernement américain appuie quand même fortement la thèse que les gènes ne devraient pas pouvoir être brevetés. D'accord ? Donc il y a eu quand même une sorte de flou un peu de ces 20-30 dernières années autour, mais là, les esprits commencent à se réveiller. Et bon, cette nouvelle, par exemple, elle reste locale aux États-Unis, parce que bon, il y a des autres pays aussi qui peuvent breveter des gènes. Alors je ne sais pas très bien comment va la législation en Europe. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui sait un petit peu plus sur ce sujet, ce serait intéressant de savoir comment c'est en Europe. Mais bon, le fait que le gouvernement américain s'oppose au brevetage des gènes, c'est quand même, ça risque quand même d'avoir un impact sur le reste des pays du monde, parce que bon, on sait quand même, c'est les leaders, les Américains, surtout en termes de propriété intellectuelle et industrielle. Donc, pour revenir un peu à la problématique de fond qu'on pourrait rencontrer avec ces brevets sur le génome humain, si on pousse l'idée à l'extrême, on pourrait imaginer qu'un jour, le propre ADN séquencé de chacun d'entre nous serait enregistré dans un fichier. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout utopique. Je pense que dans quelques années, ce sera le cas. Mais si le génome est breveté, il faudrait payer une licence à celui qui possède le brevet pour pouvoir consulter non seulement ce fichier qui contient notre ADN, et obtenir un médicament personnalisé selon notre code génétique. D'accord? Donc ça, c'est tout le problème qui se pose avec les brevets, en fait. Alors, bah voilà en gros ce que je voulais dire. C'est un peu pour lancer le débat, finalement. Moi, j'avais pas du tout conscience de ça, mais je trouve ça quand même assez hallucinant, quoi. Mais c'est-à-dire que tu veux dire que, par exemple, pour en revenir à la news d'Alan sur le sida, si quelqu'un pose un brevet sur les gènes responsables de cette protéine qui lutterait contre le sida, il faudrait le payer à chaque fois Alors, pour utiliser ce truc. en principe, il faudra payer une licence qui peut être plus ou moins chère. Après, bon, ça dépend de chaque société, mais il faudra payer en principe une licence, ouais, pour avoir accès aux médicaments qui utiliseraient ce gène breveté. Ouais. D'accord. Ouais, mais d'ailleurs, c'est déjà le cas, hein, avec l'exemple que Mathieu donnait au début de son sujet. Ce fameux traitement contre le Avec cancer du la sein qui est société vendu. Myriad, ouais. Exactement, qui est vendu 3 000 dollars. En fait, c'est même pas le traitement, c'est visiblement, enfin, de ce que j'ai Ouais, vu, le c'était le diagnostic. diagnostic, donc c'est même pas le Ouais. traitement. Et cette société n'investit même pas dans la recherche pour un traitement. Les traitements actuels viennent de bon, il y a un cas de fonds publics et il y a peut-être des autres laboratoires qui travaillent là-dessus, mais en tout cas pas Mais, cette ouais. société Myriad. Mais ça veut dire que très concrètement, il y a toute une frange de la population qui n'a pas accès à ce diagnostic, quoi. 3 000 dollars, Bah, ouais. c'est pas rien. Tout à fait, ouais. Ouais. Donc là, voilà, application extrêmement concrète déjà. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, moi, de ce que j'en vois, la seule bénéfice qu'il pourrait en avoir est totalement économique. Bah oui, le Ouais, brevet, là, c'est pour protéger ses intérêts économiques à la base. c'est juste économique. Ok, d'accord. Ouais. Mais ça me fait penser à la problématique à la problématique en général des droits d'auteur, du principe des droits d'auteur. On y est sans arrêt confronté. C'est des questions qu'on se pose en informatique, mais ça existe dans le monde de l'art aussi. Quand je pense qu'à l'époque de génies tels que Bach, Mozart, Beethoven, le concept de droit d'auteur n'existait pas, puis ils nous ont pondu ce qui a été créé de plus magnifique dans le domaine. Et puis là, quand dans les années 90-2000, on est arrivé au summum du modèle des droits d'auteur, et ça nous a donné quoi? Ben Britney Spears, quoi. Alors, je pense que. Ouais, bon, d'autant plus que les droits d'auteur, ça qu'une centaine d'années. Dans l'histoire de l'humanité, c'est une période infiniment courte, parce Et c'est que les ça, droits exactement, d'auteur, ouais. une centaine Et d'années. c'est un modèle qui est en train d'être sacrément challengé aujourd'hui avec le web 2.0, avec le contenu généré par les utilisateurs, avec les Creative Commons, etc. Et puis finalement, on en revient à une créativité folle, quoi. Ça a été un vrai frein à la création d'art, Bah, c'est ce que lancent un peu ces droits d'auteur. ces organisations comme BioBricks, c'est essayer de libérer les séquences génétiques fondamentales, de les rendre publiques à tout le monde, pour qu'il n'y ait pas justement des brevets là-dessus. Et après, si quelqu'un veut faire une création, enfin une création, on n'est pas dans le domaine de l'art, mais si quelqu'un veut monter une nouvelle séquence plus élaborée, alors là, il pourrait la patenter, mais à partir de séquences fondamentales libres. Ouais. Donc on retrouve un peu dans cette idée de BioBricks et du biohacking ces idées d'open source, de domaine public et tout ça, quoi. Ouais, je suis pas convaincu que leur modèle soit le bon encore. C'est-à-dire que tu es une couche de libre et que par-dessus tu puisses breveter quand même. Je pense quand même que ces brevets sont malgré tout un frein à l'avancée scientifique. Alors, je Bon, discute pas le fait qu'il faut un business model, quoi. Il faut quand même que les chercheurs bouffent à la fin du mois et qu'ils payent leur loyer, c'est clair, mais ça il y a permet peut-être d'amener plus des à faire. investissements quand même, les brevets, ça, je pense. Parce que le brevet, comme on l'a dit avant, ça protège économiquement alors une découverte ou une invention. Bon, après, c'est discutable, évidemment. Mais ça amène des investissements. Parce que l'investisseur, il sent, il dit, voilà, celui-là, il a un brevet, je suis protégé. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire la même chose pour 3 fois moins cher. C'est peut-être la durée des brevets qu'il faudrait Alors, ouais, revoir c'est là. peut-être plutôt la durée. Je sais pas, bon, c'est un sujet vachement compliqué aussi. Hein. Je sais pas, c'est pas tout noir, tout blanc non plus. Mais c'est vrai que faut faire quand même très attention parce qu'on parle du génome humain, c'est quelque chose qu'on a dans que tout le monde a dans son corps, dans son code génétique, que ça appartienne à des sociétés privées, ça peut un peu paraître un peu hallucinant là. Mais Ouais, ça va tellement à l'encontre du fonctionnement de la nature, ouais, qui est tellement c'est ça. imprévisible. Tu peux avoir une mutation comme ça, alors voilà, tu vas te faire taxer de piratage parce que tu aurais eu telle mutation sans faire exprès, qui en fait était brevetée. Ouais, je sais pas. Je pense qu'effectivement, quoi, Donc, je sais pas s'il y a on doit quelqu'un qui nous réfléchir au écoute modèle. qui connaît un peu le sujet, ce serait intéressant de voir un peu aussi son J'ai avis. un ami qui travaille un peu dans ce domaine. Et qui tient d'ailleurs un podcast sur la politique et tout, et qui pourrait vraiment nous aider. Donc, je lui demanderai son avis d'expert, parce Bravo. que ça. Excellent. Et puis, il peut venir nous en toucher 2 mots sur Podcast Science aussi. Oui, bah, je vais lui proposer parce que il a d'ailleurs consacré un de ses podcasts, donc super intéressant, qui s'appelle Polygeek. Il en a consacré un à la bioéthique, donc ça rejoint assez ce que tu as dit tout ça et. Et donc, je pense que ça lui fera vraiment plaisir de venir nous donner son avis d'expert. Ok, Excellent. parfait. D'accord. Je crois que tu Antoine. voulais aussi nous parler de quelque chose, Antoine, encore, non? Ouais, alors moi, bah, là, cette semaine, ce sera un dossier un petit peu spécial. Alors, je ne pense pas vraiment me tromper en disant que chez Podcast Science, on est tous les trois mélomanes. Donc, je pense savoir que Alan, tu es très musique classique, tout ça. Moi, je suis très, j'allais dire comme Johnny, ecclésiastique. Non, moi, je suis vachement éclectique, en fait. J'aime la musique classique, j'aime le jazz, j'aime le rock qui pète, j'aime certaines formes de house music. Je crois que vraiment, j'aime tout. Petite parenthèse sur la musique classique, excusez-moi, mais Antoine, tu as publié une vidéo de la TED sur un chef d'orchestre. Ah ouais. Oui. Qui présente la musique classique et qui essaye d'expliquer pourquoi la musique classique c'est tellement beau. Et c'est vrai que t'avais mis que ça t'avait énormément plu et je l'ai regardé et c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire cette vidéo. Et je crois qu'on devrait presque la mettre aussi sur Podcast Science parce que. Ah, il n'y a pas de souci, ouais. On Ah, se la on la mettra. mettra. Je sais pas si tu l'as vu, Professeur Fun. Ouais, moi je l'ai vu aussi, génial, j'adore. C'est génial. Bon voilà, Ouais. parenthèse fermée, mais il y a une super vidéo de TED qu'on mettra sur le site aussi sur un chef d'orchestre qui parle de musique classique. Ouais. Puis Voilà. toi, Mathieu, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Alors moi, je suis très un peu tout quoi. Ça dépend des humeurs, des jours, des périodes. Je passe du coq à l'âne, mais ouais, je vais un peu par période. Donc voilà, là Ouais, je c'est suis par cycle alors. par cycle. Ouais. D'accord. Ok, donc là, donc on a bien statué qu'on était tous les trois très fans de musique. D'ailleurs, scientifiquement parlant, la musique a quelque chose que je trouve fascinant. Cette succession de sons qui forment un tout harmonieux et qui arrive à émouvoir chaque être humain sur Terre, alors pour moi, ça relève vraiment, quasiment de la magie. Et dans ce domaine, les magiciens sont ceux qui possèdent un don rare et époustouflant. Vous en avez sans doute entendu parler, l'oreille absolue. Ouais. Donc, vous en connaissez autour de vous qui ont l'oreille absolue? Moi, j'ai connu des gens. Ouais. C'est pas des gens que je croise tous Ouais. les jours, mais oui. Ouais, c'est assez rare quand même. C'est 1 sur 10 000 quand même. Et alors, l'oreille absolue, d'abord, pour savoir qu'est-ce que c'est. Alors, eh bien, selon Wikipédia, c'est l'aptitude à reconnaître et à déterminer sans référence préalable le nom d'une ou plusieurs notes successives ou simultanées. Alors, pour être un peu plus clair, vous prenez un piano. Vous mettez deux personnes dos à cet instrument, l'une qui possède l'oreille absolue, l'autre non. Vous jouez une note totalement au hasard. Vous appuyez sur une note. Et seule celle qui aura l'oreille absolue pourra vous dire avec certitude quelle est cette note. Vous voyez? Donc, alors les scientifiques, eux, se sont longtemps interrogés sur cette aptitude phénoménale. Pour citer certaines personnes qui avaient ce don, on peut citer Mais est-ce que Bach. c'est un don ou est-ce que ça se travaille? Ah ben, on va y revenir, tu vas voir. On va y revenir, c'est C'est pas encore tranché en plus, hein, c'est vraiment ça. Mais ceux qui l'avaient, donc je disais Mozart, Bach et tout ça. Alors les scientifiques se sont vraiment plongés dessus. Et même si le mystère n'est pas totalement levé, on sait de sources sûres que ce n'est pas ces gens n'ont pas d'oreille, n'ont pas une oreille qui est différente de la nôtre. Physiologiquement, elle est totalement commune. Mais tout se passe dans le cerveau et ça depuis le plus jeune âge, en fait. Pour vous donner une analogie, enfant, tout le monde a appris à reconnaître la couleur bleue. Hein, vous savez tous que c'est qu'une couleur bleue. Mais fondamentalement, la couleur bleue, en fait, physiquement, c'est une fréquence lumineuse qu'on a appris à reconnaître. Et les scientifiques, en fait, se disent que ceux qui ont l'oreille absolue, ils ont fait la même chose, mais ils ont tout simplement associé, dès leur plus jeune âge, une fréquence auditive à une note. Vous voyez? Donc, ces enfants-là emmagasinent dans leur mémoire auditive toutes les informations qui leur parviennent à l'oreille. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui ont l'oreille absolue, on les rencontre en majorité dans des familles de musiciens. Ils sont très jeunes, J'ai été baigné très jeune dans la baignés musique. dans la musique. Ouais. Donc, tout ça pour te dire, pour répondre à ta question, qu'on posséderait alors tous, à la naissance, la capacité à avoir cette oreille absolue. Ça dépend seulement de comment, de l'influence de la musique dans notre jeune enfance. Et donc, autre fait amusant, dans la population des oreilles absolues, la grande majorité est d'origine asiatique. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais pas me risquer à une J'imagine qu'il y a explication. plus de rituels musicaux en Asie que chez nous, Ah je sais non. pas. Ah non, ça n'a rien à voir. En fait, Ah, je crois que je sais. vas-y. C'est à cause de la musicalité des langues Voilà, asiatiques, c'est ça? exactement. C'est ça. Donc, c'est la linguistique parce que les langues asiatiques, le chinois, le vietnamien, par exemple, sont des langues tonales. Tonale veut dire que l'intonation d'un mot change le sens. C'est pas très clair pour vous, je vais faire un petit exemple. Pour ceux qui ne savent pas, je parle vietnamien, je suis vietnamien. Et vous avez le mot ma, qui est le pronom possessif. Ma, mon, c'est le féminin de mon. Alors, en vietnamien, on a le mot ma aussi, mais en fait, on va voir si vous entendez bien. Alors, ma, c'est le fantôme. Ma, c'est la maman. Ma, c'est mais. Ma, c'est C'était quoi le tombeau. troisième? Ma. Ma. Ça veut dire mais, enfin le MIS. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais, moi je vois les petites subtilités, je pourrais pas les reproduire comme ça, mais Ma. écoute. Attends, est-ce que tu vois celle-là, ces deux-là? Ma, qui est le tombeau, et Ma, qui est le cheval. Ah, redis, redis, redis. Ma, qui est le tombeau, et Ma, qui est le cheval. Ah là, c'est plus hard, hein, ouais. Ouais, c'est Ah, assez hard, hein? je Vous sais le voyez? cheval mort. On reste Donc dans c'est pour Johnny. ça que y a 6 tons dans la langue vietnamienne et le fait que enfants ils aient appris à différencier ces tons, ces sonorités ferait que ça préparait beaucoup plus leur cerveau D'accord. à accepter le fait d'être une oreille absolue. Donc pour te répondre à ta question, l'oreille absolue à mon avis c'est quelque chose qu'on peut travailler, mais ça se joue dans les premiers instants de ta vie, enfin les Ouais. premières années de ta vie, quoi. Donc voilà. C'est un peu comme l'odorat, ça me fait penser parce qu'une fois j'avais pris un cours de dégustation de vin. Et évidemment, on fait sentir des vins comme ça. Puis bon, quand on n'est pas expert, c'est un peu difficile de reconnaître les saveurs et tout ça qui sont émises par le vin. Mais les œnologues, eux, justement, ils arrivent très bien à reconnaître parce qu'ils travaillent tous les jours leur odorat, tous les jours leur odorat depuis des années. Et à force de le travailler, ben ça le développe et ils arrivent à reconnaître beaucoup plus facilement que nous les odeurs. Oui, et pour rester dans la musique, j'avais aussi l'exemple d'un ami qui était guitariste et qui était devenu accordeur par lui-même et qui pouvait accorder n'importe quelle guitare rien qu'à l'oreille. Donc là, ça joue vraiment sur l'oreille absolue. Donc c'est à force de travail, à force de Oui, mais accorder mémorisation. une guitare à Sans l'oreille, moi j'ai joué très vaguement de la guitare quand j'étais un peu. fréquence. sans aucune note de référence, hein. Alors moi, Je veux je dis dire. pas que j'ai l'oreille absolue, ou tout au contraire, je suis un mauvais musicien et tout ça, mais j'arrive quand même un peu à différencier un do d'un sol, quoi. Ah, mais être sûr totalement que c'est le do Ah parfait. non, alors évidemment j'ai Voilà, une c'est grosse ça. marge d'erreur, Voilà, c'est mais ça. j'entends. Non, non, mais Mais justement. un musicien quand même qui fait des concerts ou je sais pas un groupe de musique connu, eux ils arrivent très très facilement à Oui, différencier. ils travaillent Ouais. Mais ils sont peut-être leur pas non plus mélodie. nés dans la musique. C'est peut-être il y a des musiciens qui se sont déclarés à 15 ans ou 20 ans et en travaillant ça, ils ont quand même acquis une oreille assez performante. D'accord, mais sauf que maintenant, imagine quelqu'un qui a l'oreille absolue et que tu ouvres une porte et qu'il puisse te dire la tonalité, le son que fait cette porte. Ouais. Ça, c'est déjà plus fort. C'est d'ailleurs, on dit que depuis tout à l'heure, je parle de l'oreille absolue comme d'un don, mais ça peut devenir un véritable cauchemar. Par exemple, en vieillissant, ces gens-là, ben, comme tout le monde, hein, l'âge fait que ils ont une distorsion des sons aigus, par exemple, ce qui veut dire qu'ils les entendent un demi-ton en dessous. Et imaginez un peu la torture pour quelqu'un qui sait que c'est un son qui est totalement faux. Vous voyez? Ouais, ça va être horrible, ça. J'ai jamais entendu parler de ce phénomène. C'est un Ah truc oui. courant? C'est pour ça que beaucoup, beaucoup de musiciens qui ont l'oreille absolue arrêtent de jouer passé 60 ans. Ah ouais. Ils arrêtent de jouer parce qu'ils trouvent ça tellement horrible, parce qu'ils entendent avec une distorsion. Et donc voilà, moi je les trouve assez esclaves de leur oreille, quoi. C'est ça qui. Ouais, bon, ceci dit, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'oreille absolue. Si c'est dans les aigus que tu as une distorsion, tu sentiras fatalement une différence entre les aigus et les graves. Le Ça truc, doit être terrible. ouais, mais le truc, c'est que nous, comme on a une oreille qui n'est pas absolue mais relative, c'est-à-dire qu'on est conscient des différences d'auteur si on a une note de référence, il suffit donc par exemple, mentalement, on pourra décaler la fréquence. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour autant que ça reste cohérent, mais enfin dans de la Voilà, pour musique, autant. t'as des graves et des aigus en même temps. S'il n'y a que les aigus qui sont décalés, fatalement ça va sonner faux, non? Ben oui, Enfin, sauf que ça sonnera beaucoup moins faux que pour quelqu'un qui a une oreille absolue, qui capte le on en petit. reparle dans une vingtaine d'années. Oui, pour toi, oui. Bon. Ah, ça, c'est toujours les vieux contre les jeunes, c'est pour ça. Donc voilà, c'était Ok, mon petit ouais, lapsus. ben parfait, dis donc. Bah écoute, moi j'avais lu un livre absolument génial, je sais plus si j'en ai déjà parlé, je me fais vieux, je sais plus ce que je raconte, mais d'un auteur américain qui s'appelle Daniel Levitin. Le livre s'appelle This is Your Brain on Music, et puis je crois que ça a été traduit en français, là, je regardais sur Amazon en même temps, De la note au cerveau, l'influence de la musique sur le comportement. Bon, le titre est nul, comme d'habitude en Comme français, mais d'habitude. le livre est vraiment génial, quoi. Le type, c'est un musicien, il a été producteur musical, il a bossé avec les plus grands, Stevie Wonder et compagnie, et puis c'était un type qui avait vraiment un esprit scientifique. Il avait besoin de comprendre comment marchent les choses. Alors du coup, il s'est fendu d'un petit doctorat en neurosciences. Un petit. Un petit, ouais, c'est comme ça qu'il le présente, quoi. Ça a vraiment l'air d'être une formalité. Et puis c'est un des plus grands chercheurs, un des plus réputés sur la planète en ce moment, qui a vraiment cette double casquette à la fois de musicien et de neuro. Comment est-ce qu'on dit en français? Neurobiologiste. Enfin Neuroscientifique, bref, ouais, neuroscientifique. neuroscientifique. Ouais. Et puis lui, il a conduit tout plein d'études, dont il y en a une qui m'avait vraiment frappé, justement sur l'oreille absolue, qui tendrait à démontrer qu'en fait, on a tous l'oreille absolue, simplement on sait pas nommer les notes. Mais si tu demandes à des gens dans la rue, tu les chopes au hasard comme ça, puis tu leur demandes de chanter le refrain de leur chanson préférée, tu les enregistres a cappella, eh ben tu peux rejouer la bande sur le disque original et ça colle parfaitement. Je sais plus, c'était 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, enfin c'est un nombre hallucinant. Ça colle parfaitement aussi bien au niveau de la tonalité qu'au niveau de la rythmique. Donc ce qui démontre que ces gens-là ont l'oreille parfaite en fait, mais qu'ils ne le savent pas. Si tu leur demandes de reconnaître, de distinguer un do D'accord, d'un la sans leur avoir donné une référence, ils seront incapables de le faire. ouais, mais c'est ouais. justement, ils ont peut-être une oreille relative et pas absolue, comme disait Antoine avant. Donc si tu leur donnes une note de départ d'un refrain ou comme ça, ou qu'ils ont déjà Mais là, ils ne assimilé, savent pas. ils arrivent en fonction de cette référence de note à monter ou à descendre correctement. Ouais, mais dans l'expérience, il donnait pas cette note de départ. Il les chopait dans la rue, puis il disait, commencez maintenant. T'es sûr de toi là? Non. Je suis un peu sûr de moi, ma mémoire peut me jouer des tours. Bah, je sais pas, mais il y a aussi des gens, il y a aussi des gens qui chantent faux par nature, ils n'arrivent pas à chanter juste. Ouais, c'est Peut-être vrai. même si c'est Ouais, leur c'est vrai. refrain préféré, des fois ça casse les oreilles, non? Oui, bien sûr. Ouais. Non, y Ouais, avait c'est quand même bon. une marge d'erreur dans son étude, en tout cas, dans mon souvenir de son étude, on Mais dira. ça revient quand même à dire aussi que, d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler, mais c'est vrai que la plupart des oreilles absolues ont une formation musicale occidentale, avec tout ce qu'on a de richesse, du solfège pour pouvoir no nommer n'importe quelle note, vous voyez? Ça revient à ce que tu veux dire. C'est sûr qu'un profane qui aurait l'oreille absolue, mais qui ne le sait pas, parce qu'il ne peut pas l'associer à la note, parce qu'il ne la connaît pas, c'est vraiment ça, quoi. Ok. Mais je lirai ton livre, il a l'air vraiment super, quoi. Ah bah volontiers, mais tu viendras nous en parler avant que avant d'en avoir oublié les tenants et les aboutissants, ce qui est bien sûr mon cas. Cool. Parfait. Ok, bon, on est déjà en train d'exploser notre nouvelle constante de 45 minutes. Heureusement qu'on Ouais. avait des gens qui, Qui avait qui voté étaient pour prêts à nous 60 écouter plus minutes. 60, longtemps. ouais. Alors moi, je voulais juste passer un petit coup de pub à une initiative que je trouve super. C'est un site que je vous invite à visiter. On mettra bien sûr le lien sur le site, revolutions.eu. C'est un groupe de scientifiques en fait qui s'interrogent sur la manière de communiquer la science. Et puis ils ont lancé cette initiative qui est un projet ouvert, participatif. Chacun peut apporter son avis sur la question. Je trouve que c'est plutôt cool, quoi, venant de scientifiques, d'avoir un esprit aussi ouvert, sortir un peu du monde académique et puis voilà, de demander à tout le monde ce qu'ils en pensent, de se poser de vraies questions, quoi, quant à l'importance de bien communiquer sur la science, les enjeux de la compréhension de la science Donc c'est un site en par tout le monde. français, hein, là je suis C'est dessus. un site en français, Oui, ouais. totalement, oui. Ouais, je suis allé donner mon avis, je sais pas s'il est publié quelque part, mais enfin, j'ai trouvé l'initiative sympa, puis j'invite tout le monde à aller les soutenir. C'est juste un clic, on n'est pas obligé de mettre un commentaire. Voilà. Mathieu, tu avais aussi un petit plug? Ouais, bah en fait j'écoutais aujourd'hui le dernier épisode du podcast de Niptech et ils ont parlé que, en fait, ils ont parlé d'Olivier Tripet. Donc bon, ça va pas dire grand-chose à nos auditeurs, mais Olivier Tripet, c'est un ancien collègue à moi avec qui j'ai travaillé, avec qui je m'entends très bien. Et Olivier Tripet a visiblement veut aussi lancer son podcast. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'Olivier Tripet, c'est le gourou, en tout cas en Suisse romande, de tout ce qui est community management, gestion de la connaissance, réseaux sociaux. Et puis, je pense qu'en écoutant Niptech, tout ça, il y a un peu cette idée qui a émergé dans sa tête. Et il a visiblement un peu ce projet, peut-être éventuellement de lancer un podcast un peu sur le community management, tout ça. Donc, moi, je l'encourage vivement, vu que je le connais. Je pense qu'il nous écoutera au travers de ce podcast. Je le salue d'ailleurs. Je l'encourage vivement. D'ailleurs, ça manque en Suisse des initiatives un peu autour du community management. On est un peu en retard sur tous nos pays voisins. On est toujours un peu à la traîne sur tout ça. Donc, je trouve que ce serait très bien qu'il lance un podcast. Ça ferait un peu bouger le schmilblick. Ça permettrait de débattre, d'en parler, d'apprendre tout plein de nouvelles choses. Et donc, voilà. Olivier, vas-y, t'as un auditeur déjà acquis. Oh, t'en as plusieurs. Moi, je suis totalement pour aussi. Même si j'ai l'impression que c'est un peu le mème de la semaine, cette histoire, parce que moi, je suis ce qui raconte. Ça m'intéresse directement dans mon travail. Je suis tout ce que raconte Olivier Tripet. Je l'ai pas entendu dire qu'il allait lancer un podcast sur le community management. J'ai vu sur Twitter qu'il faisait un compliment. Enfin, il a lancé un tweet. C'était dimanche, en indiquant qu'il avait fini de faire son ménage avec plaisir après avoir écouté Niptech et Podcast Science. Puis ensuite, dans une conversation avec quelqu'un d'autre sur Twitter, il a dit que ça donnerait presque envie de se lancer dans un podcast. Mais c'est tout ce que j'ai vu, quoi. Ah Donc donc j'ai on l'impression. s'avance un peu trop là, Ouais, on est en j'ai train de l'impression lui qu'on s'avance beaucoup. étiqueter, ouais, on est Oh déjà en train de non, l'étiqueter avec un podcast, alors si ça se trouve il a pas on du tout envie d'en faire un. n'a Ah pas mais le plaisir. la pression est telle, il y a une telle demande qu'il n'a plus le choix. Bah, c'est une Bon bah manœuvre sournoise de Niptech pour qu'il fasse un podcast, je pense. bon, je sais pas, mais Ouais. en tout cas, ce serait Ouais. sympa d'avoir un podcast sur le community management. En tout cas, pour la région francophone de la Suisse, il n'y a pas grand-chose et ce serait bien, quoi. Donc voilà, Olivier, fais comme tu veux, hein. On va pas te forcer. No pressure, mais bon, Donc on apparaît voilà, tout. bon, ben voilà, c'était juste un petit plug au passage. Il me reste encore... Avant, comment? Voilà, j'allais dire avant le moment phare de l'émission, le clou que nous On attendons l'attend, on tous. l'attend là. Hein. Ouais, La alors, côte. faut que je la retrouve. Je sais plus où j'ai mis. Voilà, t'as la pression toi aussi, hein, parce que la côte de Mathieu, c'est la côte, c'est l'événement de Podcast C'est la Science. nouvelle institution hebdomadaire. Alors ça, c'est une quote de George Bernard Shaw, un écrivain irlandais que tout le monde connaît, évidemment, qui a dit « Autant les optimistes que les pessimistes contribuent à la société. L'optimiste invente l'avion, le pessimiste les parachutes. » Donc voilà, j'ai trouvé drôle. Rien à dire, c'est une quote qui parle d'elle-même. Donc voilà, elle est pas trop philosophique, celle-là, elle est drôle. Non, quoique, c'est vrai que quoique. D'ailleurs, c'est très bizarre que tu dises cette quote parce qu'elle me rappelle une petite bande dessinée que je lis, une web bande dessinée que je lis, et qui répondait à la question pourquoi il n'y a pas de parachute sur chaque siège d'avion. Parce qu'on est trop optimiste. Ouais, ça doit être ça. Non, c'est parce que ça pèserait trop lourd et que en fait le fait d'avoir trop de devoir donner plus d'essence, plus de carburant, ben on préfère laisser mourir ceux qui auront un accident Je que. crois qu'il y a aussi avec tout ce qu'on voit avec les compagnies low cost Ouais. maintenant, il y a aussi une question de coût, quoi. Il y a une question de coût. Il y a aussi le fait que pour faire sauter 200 passagers. 200 passagers hop, en faisant En un panique accident. avec l'avion en Ouais, en flamme, panique. Ouais. effectivement, ça risque d'être un peu Ça délicat. risquerait de les dispatcher sur 500 km au moins. Tu vois, donc, et voilà, Les quoi, compagnies c'est low ça. cost sont capables de te vendre le parachute au moment où l'avion va s'écraser. Ouais, Vrai, c'est pas tout effectivement. faux, ouais. Je mettrai le lien, là, le lien sur la BD, ça serait marrant. Excellent, bah voilà, on a nouveau de quoi méditer pendant une semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Écoute, très bien, ouais. Ben, à la semaine prochaine, tout C'est une bonne idée, hein? le monde. Allez, on Ouais. se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Allez, bonne fin de semaine à tous. Bonne fin de semaine. Ciao. À bientôt.